Fabianovitch, dans cette zone, il était aux anges. C'était sa consultation, le moment de son aïe. Retroussant ses manches, il se met en devoir aussitôt, et le voici qui fonctionne. Les culs partout se ressemblent, les malades attendent leur tour une ribambelle pour grimper sur le chevalet. Yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, les étudiants un peu abrutis, un peu boutonneux, un peu malveillants comme tous les étudiants du monde prennent de la graine. Yep, yep, yep, yep, il s'agissait de farfouillage, de décollage, des replis de grands suintements, du vagin du col, de tamponnement à pleine vulve, de pressure et des bâtonnes. Enfin la bricole ordinaire, le casual blaire des métrites, tout. Donnait toujours cordial, bien pétillant, haut de verbe, à son affaire gaillardement. Hop, hop, hop. Il m'en promenait plein la vue, c'est vrai qu'il était habile, il manipulait fort crânement avec une rude dextérité. Tous ces attirails déroutent, ces annexes, ces purulents, sans grande série, un petit jet de permanganate et floute. Je te plonge dans une autre mode, la moitié du bois en pleine fièvre, il faisait rendre un peu les glandes. Ton champérou, il se secouait à peine les doigts et floute, floute, floute. Foncez dans la prochaine, pas une seconde de perdu comme ça, manu, volu, dégoulinante, de jugeaune, sans doigtier absolument. Je voulais pas du tout le gêner, paraître indiscret, mais quand même, je voulais savoir quand il a eu trifouillé comme ça des douzaines de vulves. J'ai fini par lui demander. Vous ne portez jamais de gants? Oh, pas la peine, pas la peine, confrère, ici tout va bien, tout va bien. Vite dans cette zone, il était aux anges, c'était sa consultation, le moment de son aïe. Retroussant ses manches, il se met en devoir aussitôt, et le